K-O-M-P-L-O-Z complot. Shoot star connexion. Faut qu'on fasse connaissance, qu'on se présente avant de savoir ce que je représente. Là où je fais acte de présence, en tout temps mes consciences. Ceux avec qui on me ressent, ce que j'en pense. Plutôt de quoi on se contente, content. Bref, quand tes rêves crèvent, crescendo. Prends des risques avec des mots, complot. Réciproque chez nous, ce que pote, support, texto. Entre joie et peine, ça part en bris dès le début de semaine. Dramatisiste, c'est pas la peine, faut que tu comprennes. Rompre avec l'ombre, pour plus morfondre. Rappel et fait à l'ordre, même dans le désordre. Vu que ça déborde. Vu que ça déborde, on limite les parcelles. L'effectif Excel 5-2 dans ma une. Reportage de mes chaînes guerre. Rapper Red, Die, KZ, carré rouge enfoiré. Cela rime nous tient en vie, la misère nous réunit. Moi et mes blagues comme des jeunes possédés, société. Le rap m'a ficelé où t'étais possédé. Bonne chance, Jim. Trop de chiens rage sur mon place, demande à As. Depuis quand mes nègres mâchent leurs mots, tâchent leurs feuilles pour raconter des blagues fous. KZ, carré rouge, volé, faux. Souvent, dans la bonne mesure, au fur et à mesure, on racole coup. Juste pour la bonne mesure, on soude. Comment décimer mon crew? Pas clic boot, obstiné en boule, loin des spots, hiberne sous un désir perso. Ils veulent recycler le même sujet, où est le guide? Essayer d'abolir ce qui m'embellit. Ce mec s'exhibe, excède près de nous autres. Il vient ici, me snob, il croit qu'il m'intimide. Sors en grosse caisse, verre, bouteille, yo. Pisse ma main, Esco, Astio, Manolo, Jaston. Tu sais au fond que mes gars déchirent. On le fait avec sérénité et sincérité. Beaucoup de difficultés et peu de facultés. Tu nous verras sûrement gasté. Je le possédé. Par l'argent et le rap, on le fait comme pour la grappe. Enfin, bien sûr, faut pas que tu te rassures. Un bon du kérosène contre la censure. Shoot star, compte sûr, du mur. Surtout entendu, avec sérénité et sincérité. Quand on vient pour un casse, caisse ou baraque. Du coup on n'entend plus les haha, ambiance macabre. Parfum de macadam, c'est paye ou fuit ton cadavre. Tout se passe comme une balade, vu que ce qu'on cherche est la hâte. Une équipe la race pour les haha. Quand tu comprendras, tu me diras Sarah. Tu compares à ton sale job au garage sale. Par rapport à mon business de 16 carats. Y'a ce qu'il faut dans les parages, pour cure ennemi et camarade. Moi le sarrasin du sud gara. C'est le shoot star qui s'amène, celui qui est pas content n'a qu'à niquer sa mère. Y'a pas de piste à mène là où la vie s'arrête. On rigole pas des mêmes choses. Combat mot pour mot, rime porno. Rap pour nous, de langue fourneau. Tous ces années en découvert à se couvrir entre frères. Les agents divers, véreux, l'été, l'hiver. Le manque rend dangereux, le risque nourrit au nez. Gloire au business, y'a pas de bruit qui naisse. Bref, presse, s'il faut que tu me trompes tes billets. Complot progresse, les projets sans budget. Je suis star M-shit, les chiffres du nord au sud. Anti-nazi, extasie, je suis ruel, m'inspire. Le cachet d'aspirine devient coca. Mer, flip sous caféine, stress, cocaïne. John Sushi, Sky, Roma, Ken. Hélas, question de l'IA, son cerf seul et sauvagement. Carré rouge, K-O-M-P-L-O-Z, crame le secteur. Nique l'inspecteur, shoot star, texte blessant. Sur un sale son, conquérant, violent. Jamais une suce, on voit la sauce, boum boum. Explose des ondes, des bonnes. Bouge, bouge, sur ce son trans. Y'a réunion de Rottweiler, et puis t'écoutes du hip-hop brutal. Pas de feinte, il frime. Ici les MC tombent de terrain, furieux sur lyrics, rap, chaîne, guerre. Jeu de vrai, dangereux, de langue chou, normal, ils sont très. Pour oublier nos peines, nos cœurs saignent. J'irai pas jusqu'à me couper les veines. Non, manie crame le secteur, baisse les specteurs. On le fait avec sérénité et sincérité. Beaucoup de difficultés et peu de facultés. Tu nous verras sûrement gasté, jeune possédé. Par l'argent et le rap, on le fait comme pour la grappe. Enfin bien sûr, faut pas que tu te rassures. Un bon du kérosène contre la censure. Shoot star, compte sûr, du mur.